nous allons travailler, nous allons parler, je vais parler, nous en parlerons tous après ensemble, d'un autre ouvrage historique de Voltaire, assez peu connu, il faut bien dire, c'est un euphémisme, voire radicalement inconnu. Et je commencerai en faisant des remarques sur les titres que nous voyons défiler depuis ce matin, des titres d'ouvrages historiques. Ça n'est pas du tout courant à l'époque de ne pas appeler un ouvrage historique « Histoire de », mais donc il y a des innovations terminologiques. La première, on a vu le siècle avec la complexité sémantique de l'expression. On a vu donc le précis. On pourrait ajouter d'ailleurs aussi l'abrégé, la première version de ce qui va devenir, enfin une des premières versions de ce qui va devenir l'essai sur les mœurs s'appelle Abrégé de l'histoire universelle depuis Charlemagne. Ensuite on a l'être qui d'une certaine manière aussi recouvre donc un ouvrage d'histoire, enfin c'est le titre d'un ouvrage d'histoire, et là les annales également. Alors annales, le titre apparaît généralement d'ailleurs dans l'historiographie en langue latine d'époque médiévale, où on la retrouve aussi d'ailleurs en Italie avec Muratori, Annali d'Italia, qui est une traduction d'ailleurs de Annali, le terme latin. Et comme le titre l'indique, il peut y avoir aussi quelques malentendus, parce que ce qu'on appelle annale aujourd'hui, c'est généralement un périodique paraissant à peu près une périodicité annuelle ou avec des numéros annuels et numérotés annuellement. Il s'agit ici d'un ouvrage historiographique dont la structure est strictement chronologique, linéairement chronologique, année par année. C'est-à-dire que ces annales de l'Empire sont structurées, j'aurais pu, si j'utilisais un peu plus habilement le PowerPoint, j'aurais pu en présenter une page ou deux. On voit en titre, le premier mot d'un paragraphe, c'est un millésime, 928, et le paragraphe suivant, ça va être 929. C'est-à-dire donc, en fait, c'est en ce sens analytique que ça procède année par année, selon une structure totalement linéaire. Alors cet ouvrage donc qui s'appelle Annale, deuxième partie du titre que je commenterai moins pour l'instant, c'est Empire. Alors de quel empire s'agit-il? Eh bien il s'agit de ce que l'on appelle aujourd'hui dans l'historiographie moderne le Saint-Empire romain germanique. En d'autres termes, l'espace qui occupe en gros l'espace de l'actuelle Allemagne avec des prolongements vers l'Italie et qui résulte du découpage, de la tripartition de l'Empire de Charlemagne donc en 843. Ça c'est bien connu. Voilà. Il n'est pas habituel d'ailleurs au XVIIIe siècle, il commence à ne plus être habituel au XVIIIe siècle de dire « empire ». Il y a certains articles « empire » dans l'encyclopédie par exemple. En tous les cas, on ne dit jamais pratiquement en France le Saint-Empire romain germanique. On dit l'Empire d'Allemagne, c'est l'expression qui commence à devenir courante au XVIIIe siècle. Et une expression concurrente sur laquelle je reviendrai par la suite et qui désigne aussi cette réalité territoriale et politique centre-européenne, c'est le corps germanique. Et en fait, le corps germanique et l'Empire, ça n'est pas exactement la même chose. Et donc on retient pour l'instant seulement qu'il a écrit des annales de l'Empire et non pas des annales du corps germanique, ce qui aurait été sans doute tout à fait autre chose. Alors dans quel contexte écrit-il cela ? Voltaire est un homme pressé, est un homme rapide. Là aussi, il va y avoir une différence considérable avec ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. On a vu des textes dont la rédaction s'étend, ou s'étire même, sur plusieurs décennies. Là, au contraire, on va être dans l'extrême resserrement. On est en début 1753, il quitte Potsdam, dans des conditions, disons, sur lesquels on n'en reviendra pas nécessairement très agréable. Il arrive à Gotha, la duchesse de Saxe-Gotha lui dit « Monsieur, vous devriez, puisque vous avez déjà écrit un certain nombre d'ouvrages historiques, que vous venez d'aider mon cousin Frédéric à écrire son histoire de la maison de Brandebourg, vous devriez écrire une histoire de l'Allemagne. » Aussitôt dit, aussitôt fait, l'après-midi, il est à la bibliothèque de Gotha et il n'en décolle plus pendant un mois. Pendant un mois. l'ensemble des annales, et après, donc, il poursuit son chemin, il arrive, il y a les épisodes pas très agréables de Francfort, puis il arrive à Mannheim, où il va fréquenter de nouveau une bibliothèque. Là, il est déjà en... Il a commencé donc avec Charlemagne, et il est déjà en 1570. Donc il a écrit déjà à peu près les deux tiers de son ouvrage 4 mois plus tard. 4 mois après avoir commencé, tout en faisant d'autres choses d'ailleurs entre-temps, et tout en fuyant. Et une partie donc pratiquement écrite, je dirais pas en diligence, mais presque. Enfin, si, en diligence dans, au sens métaphorique du terme. Ensuite, il continue son chemin, il arrive en Alsace, il rencontre de grands savants à Strasbourg, dont Schöpflin en particulier, un autre Alsacien qui s'appelle Pfeffel von Kriegenstein, et il arrive ensuite à Colmar, où il rencontre, entre autres, Don Calmet. Et là, à Colmar, il va travailler également à la bibliothèque. Il va s'amuser d'être entouré de moines qui, selon son expression, broient ses couleurs, c'est-à-dire en fait sont en train de lui apporter des matériaux qu'il va utiliser pour vérifier un certain nombre de détails de son texte, pour corriger d'éventuelles erreurs. On lui relit son texte, de sorte qu'on obtient un texte qui, il faut bien dire, contient très peu de fautes. Il y a très peu de... Donc par rapport au savoir de l'époque, on peut dire que c'est un texte qui est tout à fait au niveau de compétences historiques qu'on pouvait attendre d'un historien sérieux de l'époque, même s'il a été très critiqué. Et le livre va paraître en 2 tomes. Premier volume est imprimé fin 53, publié début 54, et le deuxième volume peu de temps après. Donc en moins d'un an, toute l'affaire a été réglée. Donc 498 pages exactement de texte nu dans cette édition-là, comme on me l'a fourni jusqu'à présent. Et sur les 498 pages, on peut dire que l'essentiel quand même est consacré à la période médiévale et au XVIe siècle. Il y a seulement 90 pages sur les années postérieures à 1556, 1556, 1657, c'est-à-dire un siècle en 90 pages, ce qui fait quand même peu, je dirais, vu la matière. Il y a quand même la guerre de 30 ans, il y a quand même de nombreux événements importants hein, qui se déroulent dans cette période. Et la dernière période qui nous intéresse ici, évidemment, 1658 à 1740, il s'arrête en 1740 avec le règne, la mort du dernier empereur qui est Charles VI, c'est 1658-1740, c'est 22 pages. Donc c'est extrêmement rapide sur la dernière période, et cette dernière période n'est pas traitée du tout sur le mode analytique comme les passages précédents. C'est au contraire un tableau beaucoup plus synthétique, à la manière des tableaux qu'on a dans d'autres parties de son œuvre, et avec des intertitres, et on n'a plus de date du tout. Toutes les dates que je vais indiquer, c'est moi qui les ai rajoutées pour la clarté de l'exposé. Bon, alors évidemment, s'il peut faire cela aussi vite, c'est tout simplement qu'il dispose de très nombreuses connaissances antérieures accumulées au cours des années, puisqu'on est dans les années 50, et ça fait déjà plus de 10 ans qu'il travaille à ces sujets, et qu'il a publié déjà, dans des versions différentes, un certain nombre d'articles sur des chapitres qui constituent les périodes primitives, les périodes initiales du Moyen-Âge, Charlemagne, Othon, etc. Il y a déjà des publications séparées, et c'est en partie une réécriture de certains passages de l'essai sur les mœurs. Alors dans cet ensemble-là, la France de Louis XIV, sur laquelle je vais me concentrer, je ne parlerai guère du reste, n'est pas vraiment très présente, hein. Il ne peut pas en être autrement, puisque cet ouvrage est vraiment centré sur l'Empire, et n'effectue qu'exceptionnellement des mises en perspective avec d'autres États à la manière de ce qu'on connaît dans l'essai sur les mœurs. Dans l'essai sur les mœurs, on a pratiquement toujours, souvent dans le même paragraphe, des mises en perspective de phénomènes comparables dans des ensembles géographiques différents, Allemagne, Italie, France, etc. Là, c'est vraiment assez strictement linéaire sur ce plan-là aussi, linéairement centré sur l'Empire. Et on peut dire qu'à l'exception d'une brève allusion dans le contexte de négociation, des négociations du traité de Westphalie, des traités de Westphalie, on a trois allusions dans le dernier chapitre des Annales. Louis XIV n'apparaît vraiment qu'au chapitre 48, l'avant-dernier chapitre des Annales, consacré au long règne de Léopold Ier, Léopold qui est empereur de 1657 à 1715, c'est-à-dire dont le règne coïncide en grande partie avec celui du roi Soleil. Et donc il ne sera en dehors de ce passage-là où on a en gros une soixantaine de lignes qui lui sont consacrées. Il n'y aura que quelques mentions succinctes dans le chapitre suivant. Louis XIV, donc, dans ce chapitre-là, est relativement présent, pour en rester encore aux dimensions quantitatives, donc une soixantaine de lignes, disais-je, sur un ensemble de 400 lignes que comporte le chapitre. C'est-à-dire, en fait, environ 15%. Or, ça n'est pas insignifiant, ça n'est pas énorme si l'on considère quand même que ça correspond aux périodes de trois guerres importantes. Et c'est peu, en tous les cas, par rapport à un autre sujet qui occupe la quasi-totalité de ce chapitre, presque 70% du chapitre, ce sont les luttes contre les Ottomans, les luttes de l'empereur contre les Ottomans, suivi du siège de Vienne en 1683, c'est-à-dire qu'on est exactement dans la période où les empereurs commencent à faire refluer les Ottomans hors de l'espace danubien et hors de l'espace balkanique. Et donc c'est vraiment ce qui sollicite son attention beaucoup plus que Louis XIV. Il n'est évidemment, ce qui est tout à fait normal aussi, puisque, je le répète, on est concentré sur l'Empire, il n'est fait nulle mention de la politique intérieure de Louis XIV. On n'est donc vraiment que dans la politique extérieure. Alors, il est inutile de rappeler que le règne de Louis XIV commence à peu près au moment où s'achèvent les négociations qui mettront fin à la guerre de 30 ans, c'est-à-dire alors que les plénipotentiaires français et suédois viennent d'être les principaux acteurs intervenant directement, avant tout comme médiateurs, entre les parties qui se sont affrontées au sein de l'Empire pendant 30 ans. Et donc, en fait, ces plénipotentiaires français sont intervenus dans le règlement des affaires intérieures de l'Empire. Et véritablement un premier exemple, je dirais, un des premiers exemples de présence organisatrice d'une puissance étrangère dans l'organisation, dans la structure d'un État. Alors, il ressort très clairement du chapitre que je vais analyser, que Léopold, nouvel empereur, parvient très vite à restaurer une partie de la puissance impériale, à rétablir très vite la situation intérieure, acquérant ainsi un prestige que peu d'empereurs possédèrent avant lui. Or, ceci au cours de son règne de près de 50 ans. Alors, après avoir rappelé que les Français possèdent toujours l'Alsace, comme les Suédois possèdent une large partie de la Poméranie côtière, c'est-à-dire la région de Greifswald, Stralsund, donc ce qui est en gros entre le Danemark et la Pologne aujourd'hui, Voltaire évoque ensuite les campagnes durant lesquelles les deux souverains, l'empereur et le roi de France, s'affrontèrent. Louis XIV, que Pufendorf appelle en 1684 dans un pamphlet Mars Christianissimus, et Léopold, que Voltaire dit le moins guerrier des souverains de son temps. Alors la première guerre, évidemment, c'est celle que soutient Léopold en Hollande, dans la Hollande envahie par la France. Il n'y a aucun détail dans le passage, donc je rappelle les événements tels qu'ils sont résumés par Voltaire. Quelques années après, on a la paix de Nimègue, 1678-79. Et puis, on arrive au moment où Léopold fit cette fameuse citation, cette fameuse Ligue d'Augsbourg contre Louis XIV. Donc, on a une alliance conclue en 1686 par l'Empire, l'Espagne et la Suède contre la France, alors qu'auparavant, pendant toute la guerre de 30 ans, on avait au contraire une coalition qui s'était formée avec la France et la Suède. Donc, on a une première forme de renversement des alliances. Cet épisode sera conclu par la paix de Ryswick, à peine évoquée, et qui montre déjà la capacité de résistance de Léopold, qui doit au même moment, par ailleurs, affronter les Turcs. C'est-à-dire qu'il est sur deux fronts à la fois. On arrive enfin, c'est donc toujours très rapide, à l'avènement étonnant du petit-fils du roi de France au trône d'Espagne. C'est-à-dire qu'on est déjà en 1700, Philippe d'Anjou, deuxième fils du dauphin. Il s'agit d'une succession bien connue, disputée entre la France et les Habsbourg d'Autriche, ce que d'ailleurs Voltaire ici ne dit pas explicitement, sans doute est-ce à ses yeux assez présent à l'esprit de ses lecteurs. Et puis il est pressé. Voltaire note, et ça c'est je crois vraiment l'élément important, que durant toutes ces guerres, Léopold, citation, « sut intéresser le corps de l'Allemagne ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, alors que la guerre de 30 ans, c'était, en schématisant peut-être un peu les choses, pratiquement tous les souverains territoriaux de l'Empire contre l'Empereur, ou un bon nombre d'entre eux alliés contre l'Empereur, il parvient ici, au contraire, à coaliser, plus ou moins, Voltaire a tendance à dire tous, en fait, c'est pas tout à fait tous, il y a quand même, continue d'y avoir des affrontements, mais il continue d'intéresser donc les électeurs, les souverains territoriaux, la diète d'Empire, qui est une diète désormais perpétuelle depuis 1664, c'est-à-dire pratiquement comme un parlement, des gens qui vont donc s'allier avec l'empereur pour affronter Louis XIV. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le premier effet, je dirais l'effet le plus important aux yeux de Voltaire dans ce chapitre, c'est que les campagnes de Louis XIV parviennent pratiquement à fédérer l'Allemagne derrière Léopold, alors que 50 ans, 70 ans plus tôt, l'Allemagne avait tendance à se liguer contre l'empereur. Donc on voit quelque chose de totalement nouveau qui apparaît ici. Alors ça, c'est donc le cadre général. Alors durant, je reviens maintenant sur le détail, un peu plus dans le détail, sur le détail des guerres. Durant la première guerre, où Louis XIV, nous dit-il, eut toujours la supériorité, les campagnes se déroulent dans la région du Rhin, comme d'ailleurs durant la guerre suivante. Mais, note ici Voltaire, citation de nouveau, « l'intérieur de l'Allemagne ne fut pas saccagé comme elle l'a été durant celle de 30 ans. » Par contraste, les dévastations, et là c'est presque en contradiction avec ce qu'on lit dans le siècle, les dévastations qui eurent lieu, il mentionne à peine le Palatinat, demeurent donc d'une importance tout à fait relative, je dirais, par rapport à ce qu'on a connu pendant la guerre de 30 ans. Là, effectivement, si l'on considère que les dévastations de Louis XIV, quelle que soit leur importance, ne concernent finalement quand même que quelques régions, même si c'est d'une radicalité extrême, le Palatinat et un peu également la région rhénane, ça n'a pas l'ampleur qu'on a connue sous la guerre de 30 ans, où c'est pratiquement la totalité du territoire qui subit des sévices du même type. Il évoque d'ailleurs aussi à peine l'Alsace et Strasbourg, dira seulement qu'on ne put, à la fin, au moment de la paix de Ryswick, arracher Strasbourg à Louis XIV. Alors, il ne mentionne pas, et ça c'est pas un hasard, non plus les guerres que le Brandebourg, à l'époque, mène contre la Suède, à partir de 1675 pourtant. Il ne mentionne pas donc l'étendue des dévastations, n'évoquera pas par exemple la destruction de Spire, une ville qui a été complètement détruite en 1689, il n'en est pratiquement resté que la cathédrale. Bar, sa source principale dit seulement qu'elle est prise, et ce sont pourtant des destructions qui contribuèrent à ruiner très durablement la réputation, on peut même dire d'ailleurs définitivement, la réputation de Louis XIV dans la mémoire collective allemande. Aujourd'hui, c'est encore l'homme du Palatinat, et les touristes allemands viennent à Versailles et s'intéressent à Versailles, voient un autre aspect. Mais je dirais, dans les livres d'histoire allemande d'aujourd'hui, c'est encore ce guerrier du Palatinat qui domine. Alors, en revanche, Voltaire souligne que ses succès furent le produit de la puissance même de la France, qui avait, je cite, des ministres habiles, de très grands généraux, des armées disciplinées, une artillerie formidable, d'excellents ingénieurs, alors que dans l'Empire, tout cela manquait. En loin d'ailleurs d'héroïser Louis XIV et ses armées, Voltaire note ici, un peu perfidement, on connaît, il est même surprenant que la France ne remportât pas de plus grands avantages contre des armées levées à la hâte, souvent mal payées et mal pourvues. Des armées entre lesquelles de surcroît règne la désunion, puisqu'elles sont, citation, commandées par des princes qui ne s'accordaient pas et qui avaient des intérêts différents. La victoire française, donc sanctionnée par la paix de Nimègue, c'est la victoire de l'union contre la désunion, et ça c'est un thème récurrent dans les annales, et je dirais d'une façon générale dans beaucoup d'autres textes historiques. C'est la victoire d'un royaume dont toutes les parties étaient réunies et toutes les places fortifiées. C'est la victoire de la supériorité d'un gouvernement, ce sont des citations ici, avec en face trois nations, l'Allemagne, l'Espagne, la Hollande, qui sont réunies, certes, mais mal réunies. Alors Voltaire passe plus vite sur la seconde guerre, celle de la Ligue d'Augsbourg, sans indiquer d'ailleurs les raisons de son choix, sauf qu'il ne veut pas répéter deux fois la même chose, sans doute. Une guerre qui recommence en 1688, alors que d'ailleurs une trêve de 30 années a été conclue peu de temps auparavant. Et une guerre qui, avec des interruptions, dura en fait près de 9 ans, et durant laquelle Louis XIV affronte l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, liguées contre lui. Une ligue, par ailleurs, que rejoint le duc de Savoie, et même d'une certaine manière, l'allié suédois, puisqu'il fournit des troupes à l'Empire, étant lui-même maintenant membre de l'Empire, précisément depuis 1648. Et Voltaire relève sèchement que les alliés ne purent que se défendre sans même parvenir à arracher Strasbourg à Louis XIV. Alors la troisième guerre constitue un apparent paradoxe. En effet, dit-il, cette guerre, durant laquelle Léopold eut l'avantage, correspond au moment où le roi de France était plus puissant que jamais. Car depuis 1700, il gouvernait l'Espagne sous le nom de son petit-fils, avait pour lui les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire les futurs Pays-Bas autrichiens, la Belgique, en d'autres termes, d'aujourd'hui, la Bavière, hostile aux Habsbourg, l'électeur de Bavière était attaché aux intérêts de la France. Et cet empereur est militairement ce roi est militairement présent en Italie comme en Allemagne. Or, c'est la célèbre bataille d'Hochstädt, dit-il, qui fait basculer la situation, c'est en 1704, qui est plus connue peut-être sous le nom de bataille de Blenheim. Défaite des Français qui sont venus soutenir l'électeur de Bavière, défaite durant laquelle le maréchal de Tallard y est vaincu par le duc de Marlborough. C'est un épisode bien connu de l'imaginaire français, même si on ne connaît plus guère que le nom du Marlborough. C'est un épisode qui est évoqué dans une perspective à peu près identique au 19e chapitre du siècle. Alors, Voltaire ici tente une explication. Ce qui servit le mieux Léopold dans tout le cours de son règne, ce fut la grandeur même de Louis XIV. Cette grandeur se produisit avec tant de faste, avec tant de fierté, qu'elle irrita tous ses voisins, surtout les Anglais, plus qu'elle les intimida. Au chapitre 49, le dernier chapitre des annales, consacré, c'est un des seuls chapitres qui réunissent deux empereurs, Joseph Ier, qui a régné 6 ans, il est vrai, mais enfin, il y a des chapitres qui sont consacrés à des empereurs qui ont régné bien moins longtemps, des chapitres de 10 lignes, et puis Charles VI, qui règne donc de 1711 à 1740. Et Voltaire souligne comment la haine contre Louis XIV, c'est le terme qu'il utilise, que nourrissent les électeurs, les conduisit à se soumettre à l'empereur, citation, contre leur propre intérêt. Ils se soumettent même à un acte, citation, de despotisme commis par Joseph Ier, la mise au ban de l'Empire des électeurs de Bavière et de Cologne, parce qu'ils sont partisans de la France. Voltaire décrit ici avec beaucoup de précision comment Louis XIV est devenu un tel objet de peur, ou même plutôt d'exécration, pour tout un ensemble de souverains internes ou extérieurs au Saint-Empire, des électeurs, des princes territoriaux, qu'ils en arrivent à conclure ce qu'on pourrait être tenté d'appeler une sorte d'alliance objective qui l'emporte contre la considération de leur propre intérêt, c'est-à-dire de défendre leur liberté contre l'empereur. C'est-à-dire qu'on a un nouvel épisode, je dirais, de la lutte, de ces tensions internes entre l'efficacité du centralisme et la liberté des souverains territoriaux. Et là, pour l'instant, c'est indubitablement une certaine forme de centralisme orchestré par Léopold, poussé en quelque sorte par Louis XIV, lui-même soulevant les populations, les princes allemands contre lui, qui y parvient. Alors au chapitre 49, il souligne que la capitulation de Joseph Ier, la capitulation, ça désigne dans le Saint-Empire une sorte de contrat de gouvernement. C'est-à-dire ce sont les capitulaires, le contrat en quelque sorte que signe l'empereur avant d'entrer en fonction. Que les capitulations de Joseph Ier lui rappellent qu'il doit observer les traités de Westphalie de 48, mais ajoute, citation, excepté dans ce qui concernait les avantages de la France. Alors, étant donné que c'est la moitié des traités de Westphalie, évidemment, ça revient à dire pratiquement qu'on commence à les mettre un peu entre parenthèses. Et une nouvelle fois, il note que sous Charles VI, citation, la haine contre Louis XIV prévalait sur les intérêts réels des souverains. Alors, c'est ainsi que Voltaire explique les polémiques entourant le projet de monarchie universelle qu'on imputait à Louis XIV. Et là, il devient un peu ironique. Effectivement, ces polémiques ont fait couler beaucoup d'encre en Allemagne et nourrit d'ailleurs toute une réflexion politologique du XVIIIe siècle sur la question de l'équilibre européen. Et ceci depuis la réception allemande du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, au début du XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, 1711 ou 13, et jusqu'à Suarez, qui est un des ministres de Frédéric II, qui compose le code pénal, code civil plus exactement, qui va paraître après la mort de Frédéric II. Donc tous ces gens-là ont réfléchi à la question de l'équilibre européen, la balance européenne, on dit aussi à l'époque. Et c'est une longue réflexion qui a été enflammée une première fois, d'ailleurs en 1667, par la publication des Justes prétentions du roi de France sur l'Empire d'Allemagne, d'Antoine Aubéry, un personnage assez oublié aujourd'hui, mais qui a occupé une fonction importante à l'époque dans la réflexion politique. Alors, Voltaire n'entre évidemment pas ici dans cette polémique, sauf pour souligner, ironiquement donc, que c'est bien plutôt Léopold qui se serait vu assez près de cette monarchie universelle. Se serait vu assez près, conditionnel. Condition toutefois qu'il acquiert, ou qu'il eût acquis plutôt, formulation assez retorse, effectivement, tous les territoires qu'il rêvait de posséder, à savoir l'Espagne, étant donné qu'il avait été marié à la fille de Philippe IV d'Espagne, il espérait récupérer l'Espagne, et avec elle, évidemment, la moitié du Nouveau Monde, dont faisait partie, par ailleurs, l'Italie espagnole de l'époque, enfin Naples, etc. Donc on en conclut, or conclut Voltaire, on affecta de craindre cette monarchie universelle dans Louis XIV, lorsqu'il voulut, après la paix de Nimègue, faire dépendre les trois évêchés, donc Metz, Toul, Verdun, des trois évêchés, quelques terres qui relevaient de l'Empire. Et on ne la craignit ni dans Léopold, ni dans ses enfants, lorsqu'ils furent prêts de dominer sur l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc ici, normalement, on voit un style qui nous est tout à fait familier. qui revient en fait à montrer le caractère totalement impertinent d'une hypothèse qui est faite, mais qui sert en fait à en justifier une autre qui elle-même est tout à fait injustifiée. Voilà. Et donc il conclut ici, hein, Louis XIV, en effarouchant trop ses voisins, fit bien plus que la maison d'Autriche elle-même, que la maison d'Autriche elle-même ne l'avait fait pour établir sa puissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pratiquement Louis XIV qui fait la politique allemande en ce moment par l'effet de crainte, l'effet de terreur qu'il suscite. Alors, dans les annales écrites en 1753, donc avant le retournement des alliances, le renversement des alliances de 56, Voltaire renvoie les torts du côté de l'Autriche. Toutefois, il n'en note pas moins avec quelle rapidité l'Empire se rétablit après la guerre de 30 ans. Pour la première fois même depuis Charles Quint, qui avait dû reculer même en Italie, l'empereur reprend pied en Italie. Alors, un rétablissement qui sera d'abord très largement confirmé par ses successeurs, avec un Joseph Ier qui agit véritablement en empereur romain en Italie, puis par Charles VI, qui, possédant le royaume de Naples et de Sicile, le Milanais, le Mantouan, ainsi que la Toscane, par plaisance, est sur le point de mettre fin, citation, au combat de 700 années de la liberté italique contre la domination allemande, combat qui menaçait de se finir par un asservissement. Et donc, ici, on a effectivement, je dirais, il reprend l'argument de la monarchie universelle qui est en train de se constituer et que personne en Allemagne ne veut voir, ou du moins diffère la cible vers Louis XIV, et voir s'effondrer, ce qui représente quand même effectivement 700 années de lutte des Italiens contre leur pour leur liberté, contre leur incorporation dans la structure impériale. Alors, au même moment, et c'est pour la première fois, ou presque, dans l'histoire de l'Empire, ce renforcement de la puissance impériale ne nuit pas, au contraire, au corps germanique. Parce que d'habitude, donc, on est dans, je disais tout à l'heure, une tension entre des tentatives de l'empereur d'étendre son pouvoir et qui se rencontrent des obstacles de la part des princes territoriaux. C'est-à-dire que plus la tentative de fédérer, de centraliser l'État devient forte, plus la résistance est forte. Pour la première fois, c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. En d'autres termes, on voit se constituer précisément le corps germanique, l'expression qui prend une véritable signification, une véritable portée politique et sémantique. Alors, ce corps germanique, à la fois, soutient plus que jamais ses droits, les augmente même, tandis que se fait jour par ailleurs une prospérité nouvelle, un adoucissement des mœurs, un développement des beaux-arts, au point que le pays, en 60 ans, changea plus qu'il n'avait changé depuis le Xe siècle. Et donc là, ici, on retrouve effectivement cette idée de modernité, je dirais, qui apparaît. Alors, le terme n'est évidemment pas prononcé, ça c'est parfaitement clair ici. Elle apparaît par une, ce qu'on appelle aujourd'hui une modernisation de l'Empire, une modernisation accélérée, alors qui passe par, ce que je mentionnais tout à l'heure, les beaux-arts, le développement des beaux-arts, l'adoucissement des mœurs, etc. Le tout sous-tendu, évidemment, par une structure politique qui est en train de se renforcer, mais qui se renforce au meilleur sens du terme pour générer, je dirais, une certaine efficacité culturelle à l'intérieur de l'État, même si c'est en même temps, évidemment, aux dépens de certaines libertés des princes territoriaux, lesquels, visiblement, même si c'est contre leur intérêt, ont l'air quand même d'en profiter suffisamment pour l'accepter. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que naît à ce moment-là, on peut même dire que ce qui s'écrit en filigrane dans ce chapitre des annales, c'est comment Louis XIV, nolens volens, avec ses guerres, fait naître l'idée même de nation à l'intérieur de cette structure informe qu'était l'Empire. Que l'Empire, justement, qu'est-ce que c'est exactement? Ça n'est pas, on serait tenté de penser que c'est le pays qu'aujourd'hui on appelle l'Allemagne, disons pour simplifier. Bon, c'est pas ça. Ce qu'on appelle l'Empire à l'époque, c'est en fait la structure impériale elle-même, c'est-à-dire le gouvernement de l'Empire, et on distingue de cette structure impériale précisément les réalités territoriales. C'est-à-dire que ça repose sur une présentation duale de la géopolitique du pays et de l'histoire et de la politique du pays, où l'on traite dans des chapitres séparés la structure impériale en ignorant la plupart du temps les réalités territoriales et les différentes réalités territoriales, histoire du Brandebourg, histoire de la Bavière, histoire de la Saxe, etc. Et donc là sont les histoires particulières et l'idée d'empire procède, succède à l'empire lui-même successeur de l'Imperium Romanum. C'est-à-dire bon, cette fiction qui est maintenue, mais qui continue d'être structurante dans tout un discours historique. Et là, on voit vraiment naître une forme tout à fait nouvelle dans l'espace occupé précédemment par cet empire où toutes les forces possibles tiraient à Dia. On n'avait certes pas le droit vraiment, en tant que prince territorial, de s'allier avec une puissance étrangère, mais finalement, ça se faisait quand même dans certains cas. Et donc, ça va conduire, évidemment, ça va permettre à, par la suite, à Charles VI de... Ça aurait pu permettre à Charles VI de renforcer véritablement, durablement, son état. Mais il n'en sera rien. Tout va basculer bientôt. Il va perdre Naples, il va bientôt reculer aussi sur le front ottoman. Une partie des conquêtes faites au début du siècle par le prince Eugène, la Pologne, etc., qui l'empereur avait contribué à donner à un roi, va produire Auguste, électeur de Saxe, ça va contribuer à l'affaiblissement de l'Empire. Alors, si les empereurs, dont le rétablissement est présenté par Voltaire comme la conséquence directe, presque mécanique, d'une synergie aux effets positifs pour les adversaires unis de Louis XIV, de même que Louis XIV l'avait emporté durant les guerres de 76, 78, etc., en raison de la supériorité de son gouvernement, les empereurs perdent leur situation désormais prépondérante par un enchaînement que nul n'aurait pu prévoir. Alors que là où on avait une mécanique extraordinairement puissante et efficace avec Louis XIV, là c'est exactement le modèle historiographique contraire, ou je dirais de philosophie contraire, modèle contraire de philosophie de l'histoire, qui va apparaître. Rien ne montre mieux, citation, quelle fatalité enchaîne tous les événements et se joue de la prévoyance des hommes. Aurait-on imaginé, en 1700, que Stanislas, palatin de Poznani, serait fait roi de Pologne par Charles XII, qu'ayant perdu la Pologne, il deviendrait duc de Lorraine, et que par cette raison même, la maison de Lorraine aurait la Toscane. Et là donc, il est en train d'écrire l'étape suivante, le moment où, donc après la mort de Charles VI, Charles de Lorraine va occuper l'Empire, va avoir le titre, enfin, sera le mari de l'impératrice. À la proximité, en tous les cas, des passages concernant Louis XIV et Charles VI, qui sont distants de 16-17 pages dans le texte, pourrait paraître donner une allure de polarité quasi idéale typique à deux séries d'événements, ceux qui résultent d'une stratégie bien calculée, la France de Louis XIV, dans les années 70, perçue comme une implacable machine de guerre, d'une part, d'autre part, les événements qui résultent de l'inéluctable. Je dirais sur la durée, l'inéluctable l'emporte là où, sur une brève période de temps, le calcul, la stratégie, longuement mûrie à la manière de ce que Louis XIV a fait, se montre plus efficace. Et sur la durée, donc, ce sont derniers événements qui définissent le cours de l'histoire. Si l'on réfléchit, dit-il dans une sorte, on est dans les chapitres conclusifs, alors il commence à philosopher un peu, hein, si l'on réfléchit à tous les événements qui ont troublé et changé les États, on trouvera que presque rien n'est arrivé de ce que les peuples attendaient et de ce que les politiques avaient préparé. Alors, on voit, je suis tout à fait à la fin, hein, ici, on a commenté deux pages du texte, c'est assez long, je crois, hein, comme ça. Voltaire adopte une perspective de rédaction que je n'appellerai pas nécessairement le point de vue allemand, mais qui témoigne d'une focalisation interne sur les enjeux de l'Empire. La première des campagnes, par exemple, si on prend uniquement un exemple de rédaction dans ce passage-là. La campagne de Hollande, dont Louis XIV sort vainqueur, est qualifiée d'assez malheureuse, achevée par la paix de Nimègue, à laquelle l'empereur reçut la loi. On voit le sujet, c'est l'empire et l'empereur ici. Alors, ce texte est extrêmement réduit, il est très allusif, simple mention par exemple de la paix d'Utrecht, plus allusif que les passages relatifs au Saint-Empire dans le siècle de Louis XIV. C'est quand même intéressant. Bon, il est vrai que ce n'est pas le même format chronologique non plus. Tout cela dégage des polarités du souverain. Évidemment, il y a une question, je suppose, que vous avez envie de poser, mais j'ai parlé de beaucoup de choses, un certain nombre de choses, et j'ai dit de tout ce qui était écrit, vous allez me dire, mais quid des Huguenots ? C'est quand même important, ça. Alors là, il n'en est pas question du tout, mais absolument pas. J'ai cherché désespérément, j'ai relu 5 fois le texte, j'ai cherché par la fonction recherche par mot dans la version numérique que j'ai. Pour être bien sûr d'avoir tout lu, il n'y a absolument aucun moyen de trouver trace de ces malheureux Huguenots dans ce passage-là. Or, précisément, je dirais que comme vecteur, comme acteur de ce qu'on a pu appeler tout à l'heure la modernisation du territoire brandebourgeois, ce qu'on ne devrait pas appeler la Prusse, mais ce qui s'appelle déjà un peu la Prusse, quand même, les Huguenots ont joué un rôle dominant. Alors pourquoi ne sont-ils pas là ? On peut imaginer différentes possibilités, soit parce qu'ils en parlent suffisamment ailleurs, soit parce que ce texte s'inscrit, je dirais, dans une sorte de marqueterie complémentaire d'autres textes qu'il a écrits et qui ne veut pas sans cesse se répéter d'un texte à l'autre, c'est possible, mais je crois qu'il y a une autre raison. C'est que précisément, dans ce texte-là, il parle uniquement de l'Empire. L'affaire, les Huguenots reçus par le grand électeur, dans ce tableau qu'on connaît, les bras largement ouverts, venez ici et on va vous faire travailler et puis vous allez enrichir le Brandebourg. C'est pas de l'histoire impériale, c'est de l'histoire brandebourgeoise, ça, précisément. Et donc, en fait, on voit que le titre même, Annales de l'Empire, est, je dirais, totalement justifié, trouve sa justification, qui s'inscrit dans le texte, par les lacunes même de ce texte, qui ne parle vraiment, c'est quand même assez étonnant, de voir le peu de choses que j'ai eu à dire sur Louis XIV et l'Empire, alors que j'ai dit tout ce qu'il dit. Précisément. Donc, ça veut dire que vraiment, ça se réduit à très peu de choses, et c'est précisément parce que ici, il adopte une perspective qui n'est pas celle de l'histoire territoriale. Mais en même temps, alors pourquoi l'adopte-t-il pas ? Eh bien, c'est parce que l'histoire de l'Empire, les annales de l'Empire, c'est depuis le début la lutte de l'empereur contre les princes territoriaux. Et là, on voit comment justement commence à s'écrire une nouvelle histoire avec ce basculement des princes territoriaux. Le basculement historique lié au fait que les princes territoriaux vont commencer à s'allier en quelque sorte, même contre leur désir, contre leur intérêt, avec l'empereur. Alors il ne faudrait évidemment pas en tirer la conclusion que l'Allemagne va être un espace totalement unifié. Dès ce moment-là, on sait très bien que ça va être beaucoup plus compliqué. Alors vous voyez, en fait, ce qu'on voit s'inscrire ici, en creux, c'est vraiment une espèce de dualité empire corps germanique. L'Empire se structure et le corps germanique continue de se structure lui aussi, et on va vers une espèce de synergie des deux et surtout, je dirais presque, d'isomorphisme des deux. Alors que jusqu'à présent, on a toujours été dans un dualisme, un écartèlement, avec le corps germanique qui tire dans un sens et l'empereur dans un autre. Voilà, donc c'était l'essentiel de ce que je voulais dire ici. On peut dire qu'on a presque un titre un peu anachronique, mais qui, en fait, j'avais pensé longtemps, parce que la source principale de Voltaire, bon, comment a-t-il pu travailler aussi vite aussi, c'est qu'en fait, il copie très largement ce qu'il a chez dans sa source principale, qui est un certain Joseph Barre, qui était un génovévin directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève actuelle de Paris, et qui était un homme qui avait visiblement une grande culture et du temps, et qui a écrit une histoire de l'Allemagne en 11 volumes de 750 pages chacun, et c'est les 500 pages des annales, c'est en fait le marre de Barre, si on veut. Bon, là, quand on suit les passages relatifs à Louis XIV chez Barre, on retrouve à peine un centième ou un cinq centième de ce que Barre écrit sur la question. Donc là, vraiment, il va très vite ici, Voltaire. Mais Barre intitule son livre « Histoire générale d'Allemagne ». Ce n'est pas « Histoire de l'Empire », ni même « Histoire de l'Empire d'Allemagne », »,« Histoire générale d'Allemagne ». Et il y a un choix de titre qui mérite donc un commentaire que j'ai commencé à faire. Bon, je vais m'arrêter là. J'avais envisagé à un certain moment de parler de la convergence entre, dire quelques mots de la convergence entre les perspectives qui sont présentes ici et celles qui sont présentes dans l'historiographie allemande de l'époque relative à Louis XIV. Je dirais que contrairement à ce qu'on pourrait attendre, c'est effectivement assez présent, tout simplement parce que lui-même prend à cette source qu'est Barre, lui-même puise aux sources allemandes. Donc d'une certaine manière, c'est un peu cum grano salis de l'historiographie allemande qu'il fait sur le Saint-Empire. Et d'ailleurs, effectivement, ça ressemble à ce que les Allemands à l'époque appellent histoire universelle et non pas histoire particulière. L'histoire universelle, c'est aussi l'histoire impériale et jamais l'histoire territoriale. Voilà. Je vous remercie.